le ballon et le but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ah, salut les filles, vous êtes détendues? Coucou. Tout le monde va bien? Génial, ouais, super content, c'est génial. Alors, vous savez, ça vous fait quoi de savoir que bientôt on va récupérer une quatrième heure, hein, Gilbert? Je crois que Tipeee Show, c'est... Ah oui, non, on peut l'annoncer. Parce à partir de fin avril. Le Tipeee Show, téléphone portable show. Hein, ah. Parce que il est tout par téléphone portable. C'est les playoffs. C'est de pire en pire, bientôt il va laisser un message sur le répondeur. Non, et c'est les playoffs, le mec il joue, il peut pas faire tout. Jouer au basket, être aux États-Unis, être sur RMC, être à Villeurbanne. Ah bah si, il peut. Qu'on lui dit rien. En tout cas, bientôt, on aura 4 heures, ça sera formidable, mais vous serez plus obligé de vous engueuler. Vous aurez 20 minutes chacun. Ça va être énorme. Parce que, mais chacun à sa 20 place. 20 minutes, c'est beaucoup. Ouais, c'est un c'est peu trop pour Fred. Ouais, ça fait 19 minutes de Benzema, ça te laisse une bonne minute pour parler du reste quand même. Si je me fâche même avec vous direz plus ça quand il marquera le but en finale de l'Euro. Hein. Ah bah j'attends que ça. Moi. Hein. Parce que c'est là que ça sera un vrai but à la bande Basten. Hein, parce que pour l'instant, c'est un but contre Sassouna. Donc, comme disait Olivier Dacour, l'after, c'est comme le foot. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable, sauf Daniel Riolo. Je sais pas si ça marche dans le foot, en tout cas, ça marche dans l'after. Et lui, il le pense. Olivier, alors, on a appris que tu étais pas pote avec Sylvain Wiltord. Pourtant, vous faites partie tous les deux du groupe des escrocs de France 98. Tu sais, c'est France 98, c'est un peu comme les enfoirés. T'as les vrais, puis t'as les mecs qui s'incrustent, tu sais, en loose day, parce qu'ils ont eu une promotion ou un vieux truc à vendre. Des fois, France 98, t'as des mecs. J'ai vu une fois, il y avait qui? Il y avait Jean Calvet, il va y finir si ça continue. C'est vraiment pour dire du mal d'un ancien parce que je suis énervé. Voilà. Ça n'a aucun. Alors aujourd'hui, j'avais pas de blague sur Troyes Nantes. J'ai pas trouvé le derby à part le Furlantico. C'est le seul truc qu'ils ont en commun. Troyes et Nantes, c'est Jean-Marc Furlan. J'ai pas trouvé. Et sinon, Manchester United qui a encore gagné hein, dans les ultimes minutes. Mais en même temps, Manchester United. Enfin, t'es d'accord, Fifi. La différence avec Manchester City, c'est que t'as des grands joueurs confirmés, quoi. T'as des Rooney, des Carrick, Chicharito, Nani, Joey Barton. Ah non, Joey Barton, c'est un red débile, mais il joue pas à Manchester United. Il joue dans un autre club. Non, je voudrais quand même commencer par un coup de gueule. Un coup de gueule contre une équipe qui commence vraiment à me gonfler. Putain, oui, hein, je crois que vous voyez de qui je veux parler. Une équipe, là, le soi-disant, là, l'équipe de l'année, là, qui a fait encore une contre-performance là, ce week-end, là, qui a un effectif à 100 millions d'euros, hein, qui après s'être ridiculisé en Coupe d'Europe, à ce rythme-là, va pas finir dans les trois premiers, malgré un soi-disant attaquant de pointe qui postule en équipe de France, hein, bien servi par un fameux Argentin et un Brésilien au pied gauche fantastique. Hein, sans parler des dirigeants arrogants, je veux parler, bien sûr, Gilbert, de... Voilà, si tu ne renvoyais pas des textos pendant que je fais mon CSA, tu passerais un peu moins pour un con. Je parlais bien sûr de qui, Olivier? De Manchester City. Ben de l'Olympique Lyonnais, évidemment. Hein, cette espèce d'équipe d'escrocs avec Lisandro Lopez, Michel Bastos, et, voilà, qui s'est encore planté. Non, mais évidemment, est-ce que vous pensiez que je parlais peut-être du Paris Saint-Germain? Non. Non. Bah bien sûr que non, bien sûr que non. Le Paris Saint-Germain, tu penses le Paris Saint-Germain, ils peuvent pas perdre. Ils ont Ancelotti, il a tout gagné, il est trop fort, il a tout gagné. Enfin, il a tout gagné avec Chelsea et Milan. Selon moi, j'ai regardé les effectifs de Milan et Chelsea à l'époque. Il n'y avait pas Siaka Tiene, il n'y avait pas Matuidi, Ouaro, Gamero et Camara. Parce que le mec, c'est un pilote de ligue. Tu lui demandes d'être champion de Delta Plane. Le mec, il lui faut des moteurs. Il sait pas manœuvrer avec du vent. C'est ça le peut-être point, parce que là, après la tactique de l'arbre de Noël, là, il est en train de nous faire la tactique de l'œuf de Pâques. Tu sais, tu les dissémines un peu partout sur la pelouse, puis t'attends qu'il se trouve, là. Enfin, t'as fait qu'à faire une prière. Non, mais l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, ils ont des équipes en face, hein, c'est normal qu'ils font pas... Parce que tu vois, le Stade Rennais, ils ont quand même fait un super beau match, le Stade Rennais. Tu vois, ils auraient pu gagner s'ils avaient un peu plus d'efficacité, mais le problème, c'est à cause de l'autre, là, le Burkinabé, là, celui qui fait un pas, puis deux pas, puis trois pas, puis qui s'en mêle les crayons. Comment il s'appelle là? Bon bref. Bi-3 pas, voilà c'est ça. Et non, Gilbert, plaisanterie mise à part, je dois reconnaître qu'en début de saison, si vous vous rappelez bien, j'ai répondu à une interview de SoFoot et à la question « Quel est votre souhait pour cette année ?» J'avais répondu en 1 que Nancy descende en Ligue 2 et seulement en 2e que Paris soit champion. Ben, ils ont pris 6 points au Paris Saint-Germain, les Nancyens, et ils doivent bien se foutre de ma gueule. Et en ce moment en Lorraine, eh ben, ils doivent bien se marrer. En même temps, tant mieux, parce qu'en Lorraine, tu te marres pas tous les jours. Hein. Faut pas déconner, ça reste quand même la Lorraine. Bah oui, non mais Gilbert, sois honnête. La chanson, c'est en passant par la Lorraine, c'est pas en s'arrêtant en Lorraine. C'est-à-dire que le mec, il ne fait que passer. Bah oui, non mais bien sûr, le mec, il descend d'Allemagne, il va pas s'arrêter là, c'est plus pourri, il fait aussi froid. Donc il continue dans le sud. Non, mais je plaisante, hein, je n'ai rien contre les Nancéens. Hein, de toute façon, on s'en fout, on n'aimait pas, non, si Gilbert, on n'a pas de. Ah, si, on a une fréquence, 89.9. Oui, mais enfin, on s'en fout, ils n'ont pas la radio, si ils ont la Sibylle. On devait aller faire une émission, ont... justement. Mais non, mais ils ont la Sibylle là-bas, ils postent à Galène, on en a rien à cirer le temps qu'ils s'achètent un poste radio. Mais non, j'adore Nancy. Tu vois, je vais encore me faire des. J'adore Nancy, Gilbert, et la preuve, c'est que moi, je me rappelle la belle époque des Pépé Flingueur, Blanchard, Castel Dodge, Bocandé, Eric Gobersong. Oui, c'était Metz, donc. C'est pas pareil. Non. Ah, mais non. Excusez-moi, pardon. Mais non, c'est vrai, il n'y avait pas de flingueur à Nancy à part Tony Vérel, peut-être. Mais c'est en boîte de nuit. Ça n'a rien à voir. Et il y a la présomption d'innocence. Je tiens à rappeler qu'il y a la présomption d'innocence, sinon on va encore avoir un procès. Ça fera un de plus. L'OM n'a pas perdu, c'est magnifique. Tu me diras, ils n'ont pas joué, mais quand même, ils restaient quand même sur un bon nul à Nice. Et Nice, c'est quand même, tu sais, c'est jamais facile à jouer Nice. Tu t'aimes pas cette phrase à la con du genre Nice, c'est une équipe, c'est jamais facile à aller jouer chez eux. C'est con. Bah oui, c'est très con parce que les mecs, c'est sûr, ça marche toujours avec des équipes qui sont 15e, qui jouent la relégation, qui se prennent des branlées tous les week-ends, mais c'est jamais facile de jouer chez eux. Ça, c'est la Ligue 1, tu vois. C'est surtout pour eux que c'est jamais facile de jouer nulle part parce qu'ils se prennent toujours des tôles. Mais non, chez eux, c'est jamais facile de jouer, quoi. Surtout pour eux en général. Et non, je voudrais surtout dire que l'Olympique de Marseille. Pourquoi il faut y croire contre le Bayern? C'est vrai, on se dit, parce que moi j'ai regardé les statistiques, l'Olympique de Marseille, ils ont 2% de chance, d'après les statistiques, enfin pas d'après Didier Mingot et Olivier Dacour, hein, qui à peu près c'est un bon résultat normalement 2-0 chez soi, mais pour les statistiques classiques, 2% de chance de se qualifier après avoir perdu 2-0. Alors comme c'est à peu près le pourcentage de chance qu'Eva Joly a d'être au deuxième tour, c'est pas rassurant. Hein, je crois que c'est malheureusement plus comme en ce moment, l'effectif de Marseille a à peu près le charisme de Philippe Poutou. Hein, le même niveau d'ambition, c'est-à-dire bon, quand est-ce que c'est la fin du mois de mai qu'on y arrive vite fait. Mais j'ai des bonnes raisons d'être positif pour l'Olympique de Marseille, puisque 2%. Eh ben, faut savoir que Lee Harvey Oswald avait 2% de chance de faire 3 trous dans le corps de Kennedy avec une seule balle et il l'a fait. Et ça, c'est quand même pas mal. 2%, c'est le nombre officiel de gens qui n'aimaient pas Ben Ali juste avant le printemps arabe. Et pourtant, ça s'est fait. 2%, c'était le taux de matière grasse des yaourts que le staff médical donnait à Dédé Gignac depuis 2 ans et il arrive quand même à 84% de masse graisseuse. Donc c'est possible. Et je tiens pour finir à dire que Ben Hur a réussi à gagner la grande course des jeux du cirque de César en déjouant tous les pronostics alors que lui-même n'avait que 2% pour tirer sa carrière. Oh là là. Oh, et ça, c'est carrière. Chanson. Et donc oui, donc je vais finir en chanson avec une chanson qui rend hommage bien sûr au club de l'AS Nancy. C'est une chanson que j'avais faite il y a quelques... L'AS Nancy Lorraine. Lorraine, évidemment. L'AS Nancy Lorraine qui a mis une branlée au Paris Saint-Germain et qui va se sauver. Et je voudrais leur rendre hommage avec une chanson que j'ai un peu remasterisée, que j'avais chantée à l'époque pour leur rendre hommage. Et je la rechante aujourd'hui. Attention, musique. Y'a Joël Saville, Calvé André Louis, Thomas Mangani, Molo Bayassal, ouh, ça descendra, la S Nancy, c'est ce que disent les mauvaises langues dans ce pays, mais c'est pas fini, autant qu'il y a Jamel Bakar. Jamel Bakar, je boirai toute la Meurthe si tu ne descends pas. Je boirai la Moselle si tu ne viens le Barça. La Nancy, ça descendra. C'est ce que dit l'autre abruti dans le CSA. Mais on va lui faire la coupe à Gilbert Brimois. Les sirènes du camp, la S Nancy chante encore pour Michel Platini. Oh, oh, oh, les lumières du stade, la S Nancy font.